L'Éternel est grand et très digne de louange dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Belle par son élévation, joie de toute la terre, la montagne de Sion, aux côtés du septentrion de sa crainte. Sont enfuis, saisis de frayeur. L'un tremblement les saisit comme la douleur d'une femme en travail, en sueur. Raconter à la génération future sa force.